L'actualité à Nancy et ailleurs. Julien Sauvage, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et même fondateur du festival Cabaret Vert. Après deux années particulièrement perturbées, une annulation et puis l'année dernière quand même quelque chose avec Phase B, dans quel état d'esprit vous abordez l'édition 2022 de Cabaret Vert ? Oh ben écoutez, de manière bizarrement, peut-être même de manière très optimiste, pour deux raisons, c'est qu'on a réussi à se sortir plutôt assez bien du contexte économique de 2020 et 2021 grâce à de nombreux soutiens qui sont probablement dus à notre ancrage territorial. Donc on sort de cette période de crise, en tout cas on l'espère, mais sans avoir eu de difficultés particulières financières. On n'est pas dans une situation plus délicate qu'on ne l'était avant la crise. Et puis pour 2022, bah déjà moralement, je pense que ça fait plaisir à tout le monde de retourner au travail et sur un projet un peu plus normal. Et puis la dynamique des ventes, la dynamique du soutien des partenaires locaux principalement est vraiment très très bonne. Donc pour le moment, on a encore du mal à se projeter, hein. Après deux ans d'absence, on a du mal à savoir si on est sur une année normale en termes de ventes. Mais pour le moment, tous les indicateurs sont ouverts. Même si l'année dernière, c'était une autre version avec Phase B, vous avez quand même eu 50 000 spectateurs, visiteurs, ça avait bien marché. Alors effectivement, Phase B, qui était vraiment un projet totalement alternatif au Cabaret Vert, on voulait pas faire un mini Cabaret Vert, on voulait pas faire un projet par dépit. On a donc préféré travailler sur toute autre chose et pas sur une adaptation, mais vraiment sur une forme alternative. Et en plein cœur du Cabaret Vert, il y a une usine désaffectée qui va être réhabilitée par Ardennes Métropole. Et on a pris le pari d'arriver à ouvrir cette usine à coup d'études de pollution, d'études de solidité, ainsi de suite. Hein. C'est une usine qui est totalement inoccupée depuis 1984 et qui date de 1894. Qui a vraiment un cachet bâtimentaire, architectural. Et donc, on avait ouvert une sorte de lieu éphémère pendant 6 semaines qui a vraiment très, très bien marché, effectivement, et qui a surtout permis de montrer aux élus locaux, notamment, tout l'intérêt qu'avait ce site et qui a permis de renforcer la volonté de l'agglo à vouloir réhabiliter ces bâtiments pour en faire un très gros lieu de vie. Un projet qui sera probablement très impactant pour le département des Ardennes quand il sera ouvert à l'horizon 2027. Cette réhabilitation, elle va un peu aussi dans l'esprit du Cabaret Vert. C'est un éco-festival, ça reste vraiment dans l'ADN du festival. En fait, c'est même plus que l'ADN du festival, c'est l'ADN de notre structure associative, de l'association FLAP. On a tous souvent tendance à dire qu'on n'est pas un acteur vraiment culturel, on est plus un acteur du développement local. Et bon, les Ardennes sont un territoire très très vert, donc ça s'est quand même relativement imposé à nous, ne serait-ce que par le prisme de la biodiversité. Et puis voilà, le Cabaret Vert est tout simplement la vitrine de nos convictions et on compte pas abandonner nos convictions sur d'autres projets. En d'autres termes, faire un Cabaret Vert une partie de l'année et faire un Cabaret Noir le restant de l'année, ça serait pas très cohérent. Donc effectivement, ce lieu vise à la fois la fédération, à la fois l'ancrage territorial, les retombées économiques et bien entendu le développement durable et transversal à l'ensemble de ces thématiques. Ça va être vraiment un projet assez ambitieux de quelques dizaines de millions d'euros et on sait qu'on, d'une manière ou d'une autre, on sera présent dans ce projet. Tout cela est encore en train de se discuter avec la comité d'agglomération Ardennes Métropole. Le Cabaret Vert édition 2022, ça va être du 17 au 21 août. Vous êtes en pleine préparation. La programmation, elle est bouclée, sauf avec des risques d'annulation et de remplacement peut-être de certains artistes. On va y revenir sur la programmation. Mais là, on est en pleine préparation encore. J'ai vu que vous avez même fait appel à des moutons pour préparer les terrains. Oui, alors ça fait partie, l'éco-pâturage fait partie des différentes petites actions qu'on met en place dans le cadre de notre charte de développement durable. Et puis pour rendre à César ce qui est à César, il faut préciser que c'est une démarche, bien entendu, qu'on soutient pleinement hein, de la ville de Charleville-Mézières, dont on bénéficie. Oui, effectivement, on est tout à fait en plein travail. Hein. De toute façon, je pense que tout organisateur d'événements vous dirait que même la veille de l'ouverture, on aurait encore une semaine de possibilités de travail qu'on l'utiliserait. Rien n'est jamais parfait par définition, il y a toujours des choses à améliorer. Et puis après 2 ans d'absence, on a quand même perdu pas mal d'habitudes. La préparation de cette édition n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Là, effectivement, on est plutôt en recherche de temps de travail qu'autre chose. Les journées sont longues. Et vous faites appel à pas mal de bénévoles, hein, 2500 bénévoles, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, 2500 bénévoles sont prévus pour la bonne organisation. D'habitude, on n'a jamais eu de problématique de recrutement de bénévoles. On espère que cette année, ça sera également la même chose. C'est encore un petit peu tôt pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, on a à peu près 3/4 des effectifs qui sont déjà inscrits. On s'y est pris beaucoup plus tôt. On commence les inscriptions bénévoles plutôt courant juin, voire fin juin d'habitude. Là, on a commencé fin mars, début avril pour essayer d'avoir déjà un peu un ressenti. Aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur, clairement, les bénévoles. Sans eux, il ne pourrait rien y avoir. Moi-même, fondateur du festival, j'ai été bénévole et directeur bénévole jusqu'en 2013. Hein. L'association a été créée en 2003 et la première édition du Cabaret Vert en 2005. Le directeur adjoint du Cabaret Vert est toujours lui bénévole. Bien entendu, par définition, le président de l'association est lui aussi bénévole. Donc, dans ce triumvirat, entre guillemets, qui dirige un peu la structure et son festival, déjà, il y a déjà deux bénévoles. Donc, ça va jusqu'aux plus hautes sphères. Et c'est du bénévolat au sens large du terme, vraiment fort, c'est-à-dire qu'il y a une activité associative à l'année, il y a beaucoup de temps fort pour les bénévoles. Et je vous dirais que même d'un point de vue technique, on n'est pas sur du bénévolat qui se limite à la gestion de buvettes ou d'accueil de public, c'est que tout le montage du festival repose en grande partie sur les bénévoles, sauf bien entendu à quelques endroits qui deviennent un peu compliqués ou qui nécessitent des sécurités particulières, des attestations de montage comme les scènes et ainsi de suite, où maintenant on ne met plus de bénévoles. Par exemple, 100% du schéma électrique du festival est monté par des bénévoles, avec bien entendu à leur tête des chefs d'équipe, mais qui sont eux-mêmes bénévoles, et donc pour certains d'entre eux, ça représente 3 semaines de bénévolat. Donc aujourd'hui, clairement, sans le bénévolat, qui est probablement le premier porteur, du festival, sans eux, on serait incapable d'organiser un événement de cette taille et de cette Oui, qualité. de cette taille, parce qu'en 2019, vous avez dépassé les 100 000 visiteurs. Tout à fait. C'est assez énorme. Vous étiez 10 000 en 2005, 100 000 en 2019. Cette année, vous pensez qu'il y aura un effet Covid ou au contraire, tout le monde va venir? On le souhaite, bien sûr. Écoutez, déjà, on passe sur une cinquième journée, donc on attend entre 120 et 130 000 festivaliers cette année. Si j'en crois les courbes de vente actuelles, on serait sur un nouveau record. On devrait allègrement dépasser les 100 000 festivaliers. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, au vu des chiffres, que notre édition devrait être au pire très bonne, au mieux exceptionnelle. Il nous reste quelques semaines encore de travail pour avoir la réponse. Exceptionnel, c'est aussi votre programmation cette année. Pas mal de têtes d'affiche, Stromae, Slipknot, Liam Gallagher. Combien d'artistes vous attendez? Il y a plus d'une centaine d'artistes. Je crois qu'au dernier décompte, on était à 108, mais il y a encore une toute petite scène qui s'appelle Le Temps des Cerises, sur laquelle on communique peu, où on est plutôt sur du DJ Selector, etc., qui n'a pas encore été annoncé. Et puis là, on parle que de musique. Derrière, il y a un très très gros, on est devenu un des plus gros espaces bande dessinée de France, Oui. Festival de BD de France. Il y a 80 artistes cette année, dont de très très grosses têtes d'affiche, souvent francophones, bien entendu, pour la bande dessinée. On a également un espace qui est dédié à l'art de rue. On a une salle de cinéma avec deux écrans qui devrait diffuser environ 300 courts-métrages. Donc sur la partie artistique, si on doit vraiment cumuler le nombre d'artistes, ça devient effectivement assez dingue, mais plus d'une centaine d'artistes musicaux, internationaux, nationaux, têtes d'affiche, découvertes, artistes régionaux en voie de professionnalisation. Et puis, comme d'habitude, le Cabaret Vert essaye, tout en ayant essaye d'avoir une direction artistique cohérente, bien qu'étant, d'un point de vue du genre musical, très éclectique. Hein. Cette année, la caricature pourrait être en rapportant deux artistes, Slipknot et Véronique Sanson. Vous l'avez cité aussi également, le Festival de BD, ce sera la 16e édition cette année, qui a bien bien trouvé sa place maintenant, hein, parce que ça devient une référence aussi, hein. Ouais, ça devient une référence. Alors, en termes de public, si on compte la musique, forcément, il est énorme. Si on regarde plutôt les flux de public qui passent sur l'espace bande dessinée, on n'est pas encore de la taille d'Angoulême ou de Quai des Bulles à Saint-Malo. Mais je pense qu'on arrive on commence à faire notre place dans ce petit peloton de tête, et avec surtout une particularité qui est fort appréciée par les différents éditeurs, c'est la qualité d'accueil. Aujourd'hui, on refuse des artistes de bande dessinée qui sont des grands noms de la bande dessinée, faute de place. Je crois que si on avait le double de place et qu'on pouvait qu'on n'aurait pas de difficulté à trouver le double d'auteurs et des auteurs de renom, et en sachant qu'on ne cherche pas, comme pour la musique, à programmer que des têtes d'affiche, on veut aussi faire la part belle aux artistes en développement, en émergence, et aux artistes régionaux. Et ça s'explique tout simplement car les besoins logistiques et techniques d'accueil pour des artistes de musique actuelle sont tellement énormes que ils ne sont pas comparables à ce qui se fait dans la bande dessinée. Bah, puisque nous, on cumule les deux, bah, les artistes bande dessinée bénéficient des mêmes infrastructures que pour les artistes de musique. Si un auteur BD généralement vient seul, assez souvent, ça peut arriver qu'il vienne avec son conjoint, conjointe, éventuellement avec un éditeur, mais bon, c'est des toutes petites équipes à accueillir. Quand vous mettez à côté de ça en exergue des artistes, vous avez parlé de Stromae, on pourrait parler d'Orelsan, je crois que le plus important cette année, ça va être Slipknot, qui se déplace avec 120 personnes sur scène. Donc quand vous êtes capable d'accueillir un artiste américain de renom comme Slipknot, qui se déplace avec autant de monde, l'accueil des auteurs BD qui sont que 80, entre guillemets, est quand même je dirais presque un point de détail, même si bien entendu, on met un point d'honneur à très bien les accueillir. Donc le Cabaret Vert, ce sera du 17 au 21 août. Une dernière question, Julien Sauvage, quand on est directeur d'un festival comme celui-ci, on a le temps d'en profiter, de profiter des concerts? Absolument pas. On a tendance à dire, alors peut-être parce qu'on est mal organisé, il y aurait probablement des explications positives ou bonnes et moins bonnes, mais aujourd'hui on a tendance à dire avec notre directeur adjoint que c'est un peu un sacrifice notre quotidien dans le cadre d'un festival associatif qui démultiplie les réunions, les concertations et ainsi de suite pour que tout le monde se sente toujours comme appartenant au festival. Et donc on a tendance à dire qu'on a une année très compliquée pour préparer le pire week-end de l'année. À notre sens, moi généralement mon agenda est quasiment millimétré à 10 minutes près pendant la durée du festival. Après, on est conscient et très fier d'avoir l'impact qu'on a aujourd'hui sur le territoire en termes de retombées économiques, en termes d'amélioration de l'image et de la notoriété du territoire. Donc c'est un sacrifice qu'on porte psychologiquement assez facilement. Mais je crois que mon record sur une édition de festival, ça doit être 7 ou 8 titres, tout artiste confondu. Donc non, non, effectivement, c'est vraiment pas le moment pour nous de profiter de l'événement. Eh bien, en tout cas, les plus de 100 000 visiteurs que vous attendez cette année, eux, en profiteront certainement. C'est du 17 au 21 août et on retrouve bien sûr le programme sur cabaretvert.com et sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Julien Sauvage. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.